trop mis dans la glace ce matin-là. C'est compris qu'il y avait quelque chose qui n'irait pas. Une gueule de bois splendide et une solide envie de chier. Mais j'étais déjà à la bourre, pas le temps de métalliser. Je sentais que ça allait venir, et j'avais l'image lancée. Combien de temps pouvais-je tenir, regardant les deux fesses sous tes. Les gens me regardaient encore d'une façon bizarre. Je devais avoir le temps, pas la démarche à canard. Pas une tête sur moi, impossible de les retraquer. Et dans cette rue à banal, pas moyen de me libérer. Je sentais que ça allait venir, et j'avais l'image chassée. Impossible de me retenir, et d'un seul coup j'ai tout largué. Je sens mauvais, je sens mauvais, je sens mauvais, je sens mauvais. C'est désagréable à courir avec les plus collés. J'avais tellement à temps fini, au même pas de me changer. Arrivé devant chez moi, la fébrilité est dans. Je cherchais dans mes poches, la clé qui était entre les dents. J'ai foncé dans les gogues avec une incroyable ambition. J'étais triste et pilote, je n'ai pas eu le temps de me baisser.